Thank you. Monsieur le Président. Merci. Monsieur le Président. Nous sommes atterris sur une drôle de planète. Monsieur le Président. Président. Oui, vas-y. Nous sommes atterris sur une drôle de planète. Oui, la planète errante. Oh, mon. La planète qui nous rentre à l'intérieur. Oh. Qui est intradiurétique. Et cette voix. Cette voix. VOIX. Cette voix qui est à l'extérieur de cette structure narrative. Ah, ils vont encore nous arriver avec ça. Quoique. On fait le quoique. Quoique. Ah, c'est beau, ce quoique-là. Oui, merci. Quoique dans, sur cette planète, et non pas à l'intérieur, car le noyau, c'est chaud. Oh, c'est vrai. C'est comme dans le ventre d'une maman. Hein? Le ventre d'une maman. Oh. Le cœur d'une maman aussi, c'est chaud. Oui, c'est plus chaud dans le ventre d'une maman, parce qu'il y a le noyau dans le ventre d'une maman. Il y a des petits noyaux, puis boum, ça fait... Ben, c'est le noyau d'une maman. Mais non, il n'y a pas de noyau dans... Mais... Qu'est-ce que tu connais là-dedans? Il y a le cordon nominal. Oui. Il y a le nombril nominal. Oui. Puis il y a le cœur nominal. Oh, si, ben, le beau cœur. Le beau cœur, c'est une planète. Oui. Et dans cette sur cette planète, pas à l'intérieur, parce que c'est le noyau. Il fait chaud. Ah, tu l'as dit? Il fait chaud. Ah, il fait chaud dans le noyau. Il fait chaud dans le noyau. Mais à l'extérieur, c'est beaucoup plus frais. Il y a le vent. Mais voyons, c'est là aussi. Ah, il y en a partout du vent. Non, pas sur Mars. Sur Platon. Non plus. Sur Saturne. Sur l'anneau, simplement. Ah, bien, c'est vrai, lorsque tu tournes autour de l'anneau, là, en bicyclette, as-tu déjà tourné autour du noyau? Ben, pas du noyau, du cerceau. C'est pas le cerceau, Saturne. Voyons donc. On appelle ça l'éclipse de Saturne. L'éclipse, ben oui. Non, le halo. Halo, Saturne. Comment t'appelles ça? La jonquille. Oh, la jonquille de Saturne. Lorsqu'il tourne autour de la jonquille. Il est complètement dérapé, lui, la jonquille. Arrête de tourner ton doigt. Les gens vont s'imaginer que non, ça fait comme un va-et-vient. Oh, t'aimes ça? Oui. L'anneau de Saturne. Bon. J'ai eu peur que tu dises autre chose. Hein. Il y a la censure, hein? Madame Censurette? Oui. Avez-vous censuré? On commence, là. On coupe. Ah, vous avez les ciseaux? Non, on a le couteau. C'est violent, c'est très, très violent. On coupe à la source. Ah, mais elle était comme l'impôt. L'impôt. Ben, l'impôt, qui coupe à la source. À la source. Avant même que l'on ait donné, il nous en... tranche une coupe, puis y a des imbéciles. Attention, avance-toi, Tiki Baudouin. Il y a même des imbéciles. Des vrais imbéciles. Pour qui? L'impôt passe pas assez. Pour qui? On leur enlève pas assez. Trop. On en garde in vitam proprement dans leur poche. Oh. Ça brûle l'argent dans les poches, là, de certains. Leur poche brûle, là. Les pantalons brûlent, troisième degré, premier doigt. Et là, ils veulent avoir de la chance, là, puis parier, oser parier pour plus travailler plus tard. Ouais. Mais ça, c'est volontaire. Ah, c'est très volontaire, là. C'est comme dans l'armée, dans certains pays. Oh, mon Dieu. En Columbus, ah, c'est vrai, ça. Le général Bidault, là, à Columbus, disait à ses frères puis ses sœurs, là, parce que dans ce pays-là, là, tout le monde est frère et sœur. C'est quoi? Est-ce que c'est du sang relié? Ah, c'est du sang relié, relié par l'eau, relié par, comment t'appelles ça, donc, le cordon dominical. C'est tout à fait sérieux dans ce milieu-là. Hey, on rit plus, là. C'est même les blagues, là, on les rit pas. C'est comme là, là. C'est comme, oui, c'est comme ici, maintenant. Là. Les gens sont là, sont figés, hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on entend? Hein? Quel propos tenez-vous, M. Grenier? C'est un propos tout à fait cousu. OK. par Mme Thibodeau, qui était une grande couturière. Ben pas si grande que ça. Moi, là, j'ai tombé en bas de mes échasses la semaine dernière, puis je mesure que deux pieds de moins. Ça veut dire combien en mètres? Ah, 4,5 mètres. Ah, mon Dieu, 4,5 mètres. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait mal aux genoux. Aïe, aïe, donc. C'est quand je me suis relevé, je me suis rendu compte que le moignon avait lâché. Ah, moignon. Depuis ce temps-là, je marche les épaules. Ah, heureusement que j'ai le cheveu qui m'agrippe, parce que je pourrais tomber en tout temps, moi, là, surtout c'est glissant au mois de janvier, là. Hey, ils font pas attention à ça, nous, là, les estropiés de l'existence, là. Je marche même plus ses bottes, moi, là. Heureusement que j'ai mes mains, j'ai mes cheveux, j'ai ma carotide. Ah, tu tiens sa carotide? Ah, je me tiens souvent sa carotide. Ah. On m'a dit, t'as le choix. Ah, merci! Oh, oui, t'as le choix de marcher ses coudes ou ses carotides. Ah, moi, je vais prendre la carotide, je sais même pas ce que c'est. Ça fait tellement mal. Alors, la planète de M. le Président, M. les pas trop catholiques, Mme les voluptés, ça saigne souvent, la carotte. Hein? Quand tu te frottes, là, fium, fium, fium. Marchez-vous des fous? Non, moi, je marche. Ben, je marche des fous. Avec des fous, oui, souvent. Avec vous, M. Gagné. Ah, merci. On s'en dit des belles choses quand on marche. Hein? Ah, l'air au vent, le nez au bec. Ah, on est dans la communication la plus universelle, hein? Sans censure. On est dans la vergeture. Hein, la vergeture? Bien, en fait, on se cache rien. Ah, ça, c'est vrai. Ben, quoi qu'on se cache le menton, on se cache les oreilles, ça rougit, hein, puis le bout du nez. Parce que ça ment le bout du nez. Comment ça? Ben, quand c'est rouge, toutes les voitures arrêtent, puis disent, hey, regarde le monsieur! Ah, c'est... Il y a le nez rouge. Bon. Monsieur le Président, monsieur les potes, le nez peut tomber, hein. C'est un petit nez qui est tombé, pirouette, ça va ouette. Alors, non, Monsieur le Président, messieurs les pas trop catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, votre court-circuiteur. Tu fais l'oiseau, toi? Mais en fait, je voulais dire court-circuiteur, mais on dirait que ça n'a pas fonctionné. C'est ma tête qui n'a pas voulu le dire. Non, c'est ta bouche. Ah, c'est n'importe quoi. C'est n'importe qui. J'aime pas ça quand tu dis n'importe quoi. Tout n'est pas n'importe quoi. Tout est quelque chose d'intable. C'est pas parce que tu comprends pas que c'est du n'importe quoi. Toi. Pas parce que tu n'as pas le quotient là, capable de capter toutes ces infimes métaphores. Là. Pas parce que tu es un imbécile, toi. Là. Hey, traite-moi pas d'imbécile. Ouais, ça te rappelle. Là, ça me rappelle mon ancienne femme. Ah, oh, mon Dieu. Elle me traitait d'imbécile régulièrement. Et puis, ah, oh, j'aimais ça. Là, j'ai demandé après de me frapper un peu, mais pas trop fort. Et puis, ah, elle me frappait le cuir chevelu. Ah, toi aussi? Ah, ma vie est un cuir. À vous, court-circuiteur. C'est moi, ça. C'est pas à vous, c'est à moi. Ah, c'est à vous? Ben oui, c'est à moi. Regarde, le court-circuiteur de réalisme rénal le n'ayant gagné. Ah, ben c'est vous. Merci. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Pourquoi vous me voyez? Ben, vous me voyez. On se voit. On se voit double. On se voit. Ah non, c'est Y-Grichon et bas double. Non. Non, non, c'est Migrichon et gras double. OK. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? C'est fait, là, je crois, depuis... on peut pas faire, non. Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Attention. Attention. Facebook. Et je répète, Facebook. Peux-tu faire le cri de Facebook? Oui, mais dans la forêt. J'ai des... Attends. Enlève le. OK. Il y a quelques semaines, j'étais dans la forêt en train de chasser le Facebook. Puis si vous l'avez jamais vu, le Facebook, là, ça a six pattes. Six pattes? Trois oreilles! 96 yeux autour de la tête. Hé, hey, c'est quoi? C'est Big Brother? C'est Big Brother, Facebook. Là, ça te regarde, là. De tous les côtés, le haut, le bas, là, ça s'avance avec des grosses dents, là, de la censure. La quoi? De la censure. Excusez-moi, j'ai mal à la gorge. La censure. Puis là, ça s'amène tranquillement, sournoisement, là. Puis là, ça dit, je suis prêt. Tu es prêt à quoi? À nous manger! C'est comme le caméléon. Non, c'est pas le caméléon. C'est pas du tout le caméléon, madame. Comment t'appelles ça, le cendrillon? Pas cendrillon, voyons donc. Calibochon. Ben, lâche-moi le calibochon, c'est... Voyons, le renard et le chaperon rouge. Ouais, c'est ça, Facebook, là. C'est un chaperon rouge. Puis là, là, il se prépare à t'attraper comme le loup. J'ai vu le loup, le renard, le lièvre, j'ai Facebook me manger. T'as vu Facebook te manger? Ben, moi, je voulais le tirer avant, moi, là, là. Mais là, il court, hein, six pieds qui court après toi, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu lèves de 6 pieds, je lève de 6 pieds. Puis là, je voulais m'envoler, mais je suis pas capable de m'envoler, moi, là, là. J'ai pas le quotient intellectuel pour m'envoler, moi. Je suis comme tous les francophones, moi. Je rampe, je suis une minorité, moi, là, je rampe. Là, Facebook vole autour de moi. Il ne me voit plus parce que je me cache sous l'herbe. Oh. Et puis, lui, il passe par-dessus moi avec ses 99 yeux autour de lui, là. Il m'a pas vu. Comment ça? Parce qu'il voit clair, simplement, quand il veut. Puis là, il voulait pas. Ah, ça, il tentait pas. Il était en retard. Comment ça? Il avait un rendez-vous. Avec qui? Avec Twitter. Hey! Twitter qui était sur son arbre, là, qui faisait Twitter. Puis là, Facebook était là. Oui, Facebook était là. Il voulait attraper Twitter. Twitter, il disait 23 mots, 24 mots, 26 mots, 26 mots. Twitter. Hey, Facebook, il dit, j'ai des photos, j'ai des renseignements. Hey, ça faisait peur. Et moi, j'avais le poil qui frisait vers l'intérieur. Là. Ah, mon Dieu, j'avais la sueur qui rentrait. Parce que je me suis dit, si il me voit suer, qu'est-ce qu'il va faire, le Facebook? Il va courir après moi. Ça aime ça, la sueur, Facebook, là. Ça aime ça, les images corrompues des mal circulations. Hein? Des quoi? Du montage de photos. OK. Pourquoi? Pour te barrer sur son réseau social. Ce qu'il veut, c'est te barrer. Est-ce que cette vidéo-là va nous barrer? Il va nous barrer. On ne placera pas sur Facebook, je crois. Qu'est-ce que tu vas faire avec? On va la regarder, hein? Puis on va le coucher régulièrement. On va lui donner la tétée, parce que ça aime bien ça, tétée les vidéos. Ah, sa tête, les vidéos. Puis là, ça va se faire voir. Puis, il est beau, c'est un petit vidéo. Là, il va faire... Les vidéos, ça aime ça faire... Garde-moi ça, va. OK, attention, Facebook. Bon, OK. L'absurde aventure de l'errance canadienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier, Rénal Gagné. Aujourd'hui, le vendredi 13 janvier 2012, les errances rénaldiennes présentent plus de routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour du musicien Mickey Blow. Mickey Blow a joué avec Johnny Thunders, les Stoners, Alain Bachung, Henri Padovani, Little Bob. Little Bob, avec qui il joue encore, c'est un chanteur et un groupe exceptionnel. Et ça s'intitule aujourd'hui Little Bob History. Dead Sexy Inc., Chris Loat, Steve Butters, The Flintstones, Elliot Murphy, Chris Bailey, Marie-France et Tony Allen. En juillet 2011, Errance Rénaldienne rencontra avec joie ce grand musicien humaniste. Un voyage chargé pour cette nuit hivernale. Faut-il s'arrêter ici et laisser la musique nous enchanter? Oui, Roger. I'm crying. quelques secondes et nous sommes prêts. Tranquille. Ah oui. On va pas se faire mal avec le temps qu'il fait. Hein? Pas du tout. Relaxant, c'est l'été. Ouais. C'est assez rare ici. Quoi, le beau temps? Ce temps-là, ouais. Ben, je suis arrivé depuis vendredi, aucune goutte de pluie. Ouais. Alors j'amène le soleil. Non, mais il fait bon. Là, ouais, il fait pas vraiment trop chaud, on respire. Contrairement à l'année dernière, où je suis passé ici, c'était épouvantable, la canicule. La semaine dernière, c'était pareil, c'était un enfer. Ah non, mais j'étais pas. C'est pour ça. C'était un enfer, tu respirais pas, et pas d'oxygène, toi. Pendant que 2 jours, hein? Ah ouais, c'est un incroyable enfer. Ben, imagine que, bonjour, bienvenue à mon émission Errance canadienne. C'est une émission qui est diffusée à Québec, ouais, au Québec, ouais, dans la francophonie, grâce à Internet. Et donc, j'ai ici rencontré des artistes, des chanteurs, des peintres, des bédéistes, des gens qui singuliers, qui ont fait des carrières, qui en font et qui travaillent, des amoureux. Donc, tu en fais partie, tu étais vraiment le meilleur artiste à rencontrer ici à Paris. Et ce qui me plaît chez toi, c'est en fait la multitude de choses que tu as faites, de travail, de rencontres aussi. Tu as rencontré Little Bob. Tu es encore avec Little Bob. Ah ben je joue avec Bob. D'ailleurs, je joue vendredi, d'ailleurs. Oui, à quel endroit? À Grenoble. OK, oui. Mais vous êtes en tournée. Ouais, enfin, on fait juste une date, là. OK. Là, on a plus grand-chose, là, avant la rentrée. Mais tu as aussi travaillé avec Alain Bachung en 85. Ouais. Sur quelle chanson? Non, j'ai fait deux, trois concerts avec lui. Okay. C'était pour faire la fête de l'humain aussi. Ah oui, c'était au tout début de sa carrière. Ouais, enfin, non. Ben, il ramait pas mal avant, là, mais c'était dur. Voilà, il ramait encore. OK, ah oui, c'était Vertige de... Est-ce que c'est le Vertige de l'amour? Ouais, c'est un peu après. OK. Donc, c'était Gabi. C'était après ça. Et tu as un nom d'artiste? Mickey Blow. Oui, pourquoi? Ben, au début, ça vient de banlieue, ça commence en banlieue. Okay. C'est quand j'ai atterri en banlieue dans les 70s. Puis c'était ambiance Fruits Brothers, quoi. Normal. Oui, moi, je faisais de la bande dessinée. Je dessinais. Ok, t'es BD à l'origine. Voilà, je faisais des petits Mickey. Et tout le monde m'a appelé Mickey parce que je faisais des petits Mickey. Et le Blow, ça vient du premier vrai groupe que j'ai fait. Stoners. OK. Et c'est dans une chanson, c'est We Got Mickey Blow. À l'origine, tu es de Paris ou... Oh là là. Non. OK. Non. Quel endroit? Enfin, je viens de Centrafrique. OK. Je suis Bangui-Soi. OK. J'ai grandi en Centrafrique. Tu as étudié, tu as fait tes études là-bas ou si tu étais... Ouais. OK. Jusqu'à 17 ans. Et après? Ben après, je suis rentré en France parce que il y avait des problèmes un peu politico. Oui. Ouais, c'était très agité à l'époque. Ouais. Puis voilà, et puis en France, j'ai fait des tas de conneries. Genre, t'arrives dans un monde, c'est pas le tien, quoi. Tu connais rien, mm-hmm, tu connais personne, tu sais pas comment ça marche. Mais tes parents étaient pas là. Au début, ils ont été, ils sont revenus un peu après moi. Ok. Et ils galéraient aussi parce que c'était pas leur monde. Okay. Oui, effectivement. Voilà. Et tranquillement, tu as fait des rencontres artistiques Bah, disons que c'est. Ça m'est tombé dessus. C'est-à-dire? C'était un moment où je savais plus quoi foutre. Je m'emmerdais, j'étais tout seul. The phone call at midnight. Low voice that means air. Hey, what's going on? Do you forget who you are? What you were meant for? I need you back. I need you back. I need you back right now. Back on your way. It's time. It's time to kick them ass. Right now, kick their ass. great in the game. Times are turning bad. Well, world is losing a game. Don't accept. I need you back. I need you back. I need you back right now. Back on your way. It is time. It is time to kick their ass. Kick their ass. Right now. Pop, madame. Madame, pas coupable, moi. J'ai rien fait. En fait, j'ai même pas voulu commencer. Ils m'ont dit, vas-y! Je vous le dis, Madame Thibodeau, c'est pas moi qui ai fait ça. Ben voyons donc, toi, regarde-toi, qu'est-ce que j'ai? Regarde-toi. Je me regarde. Mais comment je peux me regarder? Avez-vous un miroir? Non, surtout pas. Ça peut refléter. Oh! Refléter quoi? Ton idiotie. Oh! Alors là, ici maintenant, c'est pas gentil ça, madame, merci beaucoup. Là, ici maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Je vais m'en souvenir longtemps. Vous êtes vous aussi dans le noir? Oui, moi je suis dans le berrurier noir. Oh, shit! Berrurier noir, vous êtes dans le noir, berrurier noir. Qu'est-ce que ça veut dire ça, berrurier noir? Ben, c'est le groupe berrurier noir. Le groupe berrurier noir, connais pas ça, madame... moi, je connais Joe Dassin. Est-ce que c'est Joe Dassin, Berruyer Noir? Ben non, ben non. Moi, je connais... Oh, je sais c'est qui. C'est Georges Moustaki qui se faisait appeler Berruyer Noir. C'est presque ça. Avec ma gueule de mes têtes de juifs et ronds de fatigue et mes cheveux aux quatre vents. Avec ma bouche qui a souffert, souffrir autant qu'il a souffert, sans pour cela faire d'espoir. Avec mon cœur qui a souffert. Hé, hey, ça, c'est de la souffrance. Alors, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Chobukovski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Merci. Laissons-le nous suggérer, parce que madame, elle m'ajuste le micro. Lequel? Le micro... ce micro-là. OK, parce qu'il y a trois micros. Oui, c'est vrai. Et nous sommes équipés ici, là. Il y a trois micros pour capter autant de conneries. Hé, hey, c'est pas des conneries, c'est vrai. Je m'excuse infiniment, madame... Non, c'est monsieur. Monsieur, je m'excuse. Bon. Vous êtes travesti le soir? Oui, je suis travesti le soir et très grand le matin. Les gens ne comprennent pas. Travesti le soir et très grand le matin. Oui, travesti, ti grand. Bon, OK. Là, on comprend bien, madame. Comprenez-vous ça, vous, là? Non, hein, c'est... Oui, qui ont-nous rendu? Nous sommes... c'est monsieur, ici, là, qui a voulu nous rentrer dans le petit. Comme nous sommes grands, essayez, vous, de pénétrer dans... Essayez. Vous allez voir que c'est pas facile de pénétrer quand t'es grand dans le petit. Vous avez appris oui, ça? Oui, qui ont-nous rendu? Mais c'est ça, on vous le dit, là. On était dans le grand puis on voulait pénétrer dans le petit, ça fait. On veut rien déchirer puis on n'a pas le temps de raccommoder. Quoique Mme Bibelot est très bonne dans la couture. Ben moi j'ai toute ma vie j'ai fait des mailles à l'envers. Hein, c'est vrai. Elle a tout raté, elle est toujours à l'envers. Elle doit avoir six doigts. Toutes les doigts gauches. Ouais, mais j'ai le pouce. Ouais, vous êtes le pouce vert. J'ai le pouce vert, moi. Mais monsieur. Pouce, mais pouce égal. Là, ici, maintenant, attribuons à moi... Ouais, comment ça, oui? Qu'est-ce que vous disiez, donc? On disait qu'on avait le pouce fatigué. Maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil « Conte ses nouvelles ». Oui? Allô? Allô? Oui, c'est nous. Êtes-vous là, vous? Oui? OK, vous nous écoutez? Vous êtes au 89.1 CKRL? La radio des vrais. C'est nous. C'est nous. Bon, bon, bon. Alors là, la phrase de Bukowski, parce que c'est de là que doit démarrer l'impro, là, c'était rien aujourd'hui. C'était comment t'appelles ça, toi, madame? Moi, j'appelle ça un interlude. Non, comment? Des préliminaires. Ah oui, c'était un préliminaire. Des préliminaires. Comme ça, ici, des préliminaires. Première phrase, c'est « Le bar venait de fermer ». Oh, il est quelle heure, là, pour fermer le bar? Une heure moins quart, madame. Ah ben là, il n'y a pas beaucoup de personnes dans le bar. Tout le monde est devant leur radio, dans leur voiture. Verre d'eau à la main. Mouchoir à la main également. Ben là, est-ce que c'est le verre ou le mouchoir? Ben le mouchoir dans la main droite. Le verre d'eau dans la main gauche. Et les éponges. Les éponges quoi? Ben ils s'arrosent partout, ils savent pas boire ce monde-là. Ça dégouline partout. De l'eau dans les cheveux, dans le nez. Dans le nez. Ah! Ça fait mal quand ça rentre dans les. Ah! C'est... Mais ça fait du bien, ça irrigue. Ouais. Parle-moi d'irriguer, toi, à ton âge. Ah, mais moi, j'essaie. Ouais, comment ça à mon âge? C'est tout sec, c'est sec, sec, sec. T'es en train d'être décomposé, là. On n'aura même pas à t'embaumer. T'es déjà en train de tomber en sable. Je suis un grain de sable. Tu es un grain de sable. Garde-toi les babines, là. Qu'est-ce qu'ils ont, mes babines? Ils partent tout seuls. Comment ça, ils partent tout seuls? T'es complètement déjanté. Comment? T'es déjanté. Déjanté. Ben, je connais des gens hantés, là, mais je connais aussi des maisons hantées. Je connais le bonté. Comment t'appelles ça dans des maisons? On m'avait amené. Hey! Anaïs Kael m'a amené boire du thé dans une maison juive. Non, une mosquée. Une mosquée juive. Ben, une mosquée, c'est juif normalement, mon petit intelligent. Merci beaucoup. Ça paraît tout le temps que ça que je suis brillant. Ah, tu brilles comme un. Comme un innocent. Bon, OK. Alors, donc, la première phrase, c'était... Hey, ça purgeute par le... Le bar venait de fermer. Par quoi? Hey, attendez-vous là. On n'est pas obligé de dire tout ce qui se passe ici en direct. Les gens ont juste à pleurer devant leur radio pour voir. Quoi qu'ils peuvent voir, c'est vrai. Ils peuvent voir en regardant Errance Rénaldienne d'une façon visuelle sur le site officiel de l'Errance Rénaldienne. Comme ça, vous allez voir le derrière. Le derrière de l'errant. Le derrière de l'émission, pas de l'errant, quoique. Tout est là-dessus. Le bar venait de fermer. Il va-tu fermer? On l'a pas ouvert encore. Bien là, on va lire la phrase, puis on va dégénérer. Bien, c'est déjà parti. Il venait de fermer et il devait encore rentrer à pied. Ah, moi qui ai mal au poignet, moi, là. Bien, comment ça, t'as mal au pied? Bien, parce que j'ai mal au poignet. Je marche sur les mains depuis 3 semaines. Oui, je me suis acheté des nouveaux souliers. Ils coûtent tellement cher que je vais pas les user. La meilleure façon de ne pas user des souliers, ben, c'est de ne pas les mettre. Non, c'est de marcher sur les mains. Mais là, les ongles me font mal. Ils veulent tomber tout ça. Les ongles de pied, les ongles de main. Oh, mon Dieu. Alors donc, je me laisse rouler quelquefois aussi l'hiver. Là, tu peux te laisser glisser, c'est plus facile. Ben, c'est vrai, ça. Comment ça, tu fais pas ça? Il me semble que les gens me regardent et qu'ils rient de moi. Depuis quand tu t'intéresses aux gens? Mais depuis que vous me l'avez dit, là, ben voyons, si je te le dis, si je te l'avais pas dit, si vous me l'aviez pas dit, ben je l'aurais pas entendu. Il est fort, lui-là, le repose-toi un peu 2 semaines. Vous voulez que je me repose pendant autant de temps? Ben là, au moins 2 minutes. Est-ce que ça peut faire 2 secondes? OK, vas-y, repose-toi 2 secondes. Hey, je me sens beaucoup plus relax, là. Bon, ça fait du bien, ça fait un beau repos de 2 secondes. Si tout le monde, attendez, on va faire quelque chose ensemble, là. C'est unique. Ça s'est jamais fait ailleurs. Arrête de dire ça, c'est pas vrai. OK. C'est presque unique. Ça s'est presque jamais fait ailleurs. On va se reposer ensemble, pas 2 secondes, mais 5 secondes. Hein? OK. Là, placez-vous d'une manière où vous pouvez méditer pendant 5 secondes. Hey, comment tu peux le faire? Voyons donc, c'est comme un flash. Mais c'est ça, on va flasher 5 secondes. Hey, on va s'illuminer. OK. C'est le temps de s'illuminer. OK. Êtes-vous prêt? Ben, je suis presque prêt, là, mais excite-moi pas avant. OK. Relaxez, relaxez, relaxez. Mettez l'écho, madame. Hey, vous êtes bon. Je suis comme une doudoune. Une doudoune? Un vaudou doudoune. Un vaudou doudoune. Boum, boum, boum. À 5 secondes, on arrête. OK, il n'y a plus de son, il n'y a plus rien. Puis on relaxe pendant 7 ans. 7 ans? 7 ans? Pas 7 ans, voyons. C'est vrai, c'est chanceux. On va arrêter 7 ans, puis on reprendra après. Oui, mais il faut que j'aille travailler. Moi. Non, 7 ans. On arrête 7 ans. 7 ans. C'est tentant de s'arrêter pendant 7 ans. Ah ouais, vas-y, OK, on y va. De doum, 7 ans. 7 ans venant de l'IO. Non, c'est pas ce temps-là, OK. C'est bien, ouais, mais tu me dis 7 ans. 7 ans venant de boire mon jambon. Hey, j'ai plus le... OK. Mais je me souvenais plus comment faire. Mon cerveau me dit tu souffles, l'autre, tu pètes, tu sens la cigarette. Comment ça marche, ce gazou-là? OK. Devant le public, excusez-nous. On coupe. OK. OK. 5 secondes, on s'arrête 5 secondes. Je ne serai pas capable. OK, oui, je te le dis, je te le dis. C'est là. Ça fait plus que 5 secondes, hein? Oui, madame, ça fait 3 minutes et demie. Ça passe vite dans ton bout. Ouais, dans mon bout, moi, je suis dans le bout, ça sort. OK, alors voici le titre. C'est « La sirène baiseuse de Venise, Californie ». je le savais que t'allais te tromper, mon numéro 1. Here come the Cowboys! Here come the Cowboys! L'anniversaire de mes 20 balais. Putain, j'étais là, j'avais des boucles, je me dis putain, c'est ça, avoir 20 balais dans ce putain de pays. À Paris ? Non, non, c'était dans le sud. Ok. Le sud de la France. Et bon, je faisais ça un petit pot chez des gens. Je connaissais bien la fille de la maison et tout. Hein. C'est une copine. Puis moi, je sors dehors, j'avais le blues, je me mets à chanter. Quoi. Elle sort derrière moi, elle me dit putain, tu chantes bien. Un blues ou un... Ouais. Tu chantais un blues ? Ouais. De qui ? Bon, je sais plus okay. du tout. Alors là, okay. toi, oh, oui, c'est, oui, oui. c'est très très loin. Okay. Et elle me dit, bon, bah, moi je connais un groupe qui cherche un chanteur dans le coin, ils vont de rock, ça te dit. Et je dis, ouais, pourquoi pas, on va essayer. Mm-hmm. Puis bon, là, ça a commencé. Quoi. Et le nom du groupe ? Bon, là, c'était Transfuge, ça s'appelait. Merci. C'est genre... On aimait bien MC5. Ok. Voilà. Alors c'était très branché anglais, en anglais, vous étiez vraiment ouais, greffé. Ouais. Et puis après les rencontres, c'est. Ouais, petit à petit, tu bouges, tu vois des gens. J'ai bossé avec des gens en banlieue, on a écrit pas mal de chansons en déconnant. En anglais ou en français? En français. Puis un jour, il y a un mec. Quoi, c'est du punk, rock? Non, non, ce truc-là, c'était un peu afrobeat. Ok. Avant le temps? Voilà. Non, c'est c'était en 77. Quoi. Est-ce que si je fais des recherches chez les disquaires, je peux trouver? Ah non, mais c'est pas bon. Le disque est très mauvais. Le son ou le... Non, non. L'ensemble? C'est de la merde. OK, bref, tu veux pas... Voilà. Non, c'est pas la peine de faire de la promo là-dessus. On diffuse pas. Faut oublier. Non, okay, non, c'est okay, juste c'est okay. une anecdote okay, comme excellent. Ça. Excellent, OK. Pour relater voilà. la biographie. Okay. Voilà, voilà. Mais il faut apprendre à quelque part et c'est là que ça s'est passé. Absolument, absolument, okay. absolument. Après, bon, ça, tout ça, ça m'énervait. Mais qu'est-ce qui t'énervait ? Je jouais pas ce que j'avais envie de jouer, quoi. Et j'ai rencontré un mec qui avait bossé avec Chrissy Hynde. Qui l'avait aidé à monter Pretenders, qui était un copain de Zermati. Qui m'a bien branché blues. Je dis, OK, en blues et qui m'a aidé à monter mon premier groupe en tant que chanteur harmoniciste. C'était les... Ça s'appelait Enola Gay. Ça, c'était en 78-79. Et tu chantais en anglais? Anglais, français. C'était tes compos ou... Non, j'ai des reprises. OK. J'ai des reprises. Puis même en français? Des trucs de Dutron, des trucs comme ça. Oh, OK, c'est que... Moi, j'ai toujours bien aimé, quoi. Ah, t'as pas grand-chose en français, hein? Non. Quand tu veux chercher, tu fais... Ah, c'est mince. C'est très, très, très mince. Il y avait peut-être Gainsbourg, puis encore là, Gainsbourg, c'était plus jazzé, c'était moins punchy. Ouais, non, c'est pas du rock, quoi. Non, effectivement, moi, en fait, c'est pas... Moi, ce qui m'a toujours botté, c'est rhythm and blues, quoi. Okay. C'est le côté ça ou du rock. Okay, c'est pas le côté punk du rock, c'est le côté ça. Sanguin, la musique sanguine. Ouais, le truc de soul. Moi, je suis un fan de trucs de Nouvelle-Orléans, quoi. OK, ah oui. As-tu déjà visité? Non. OK. Non. Mais ça reste dans la tête. Ouais, c'est voyage dans ta tête. C'est un mood, quoi. C'est un truc. Comme moi, j'ai ramené aussi le truc de chez moi, d'Afrique. Okay. Parce que c'est aussi un truc particulier. Quoi. Ouais. Vraiment particulier que j'utilise aujourd'hui, maintenant, que je mets dans ce que je fais. Et ça va très bien avec la soul, c'est parfait, c'est un truc. Est-ce que sur scène, tu aimes improviser ou au contraire, tu veux que ce soit... Non. J'aime bien quand les choses sont au point. Toute la base est vraiment carrée au point. Okay. Qu'on se connaît bien, qu'on est capable de faire le break n'importe quand ou la reprise n'importe quand, parce que là tu peux commencer à te lâcher. C'est là où tu prépares la magie. OK. Mais la magie, c'est l'improvisation, au contraire, c'est de suivre l'autre et de. Ben, c'est être ensemble. OK. C'est être ensemble. L'osmose. Voilà. L'osmose. Et pouvoir d'un seul coup réinventer le truc ensemble. Enfin, c'est ça, okay. Le truc. C'est pour ça que c'est bien de vachement bosser. Moi, je suis un gros bosseur. OK. Je suis un malade. Je bosse carré, on répète. C'est chiant jusqu'à ce que ça soit chiant. Le petit lapin de Playboy ronge mon crâne végétal. Shoeshine Boy. Ses doigts comme du caporal me suçotait comme un cachot et savait le dialecte chou poupoupidou. Tu sais, ma loupe, dans cette blanche clinique psychiatrique, à force de patience et d'inaction, j'ai pu dresser un mouton. Sur ma tête héliporte, l'hélicoléoptère de ses élytres d'or, refermant l'habitacle. Incline ses antennes, porteuse d'SOS. Et merde, les phalènes, frémissantes de stress, interceptent en vol mes signaux de détresse. We'll be right back. parasites de Radio Pou embrouillaient mes messages. Mais le truc, tu l'as tellement dans la tronche que tu peux pas l'oublier, tu le fais sans y réfléchir. Ça coule de source, ça coule de source. T'as plus besoin de réfléchir. Okay. Après, tu laisses aller l'âme. Le temps de la réflexion est terminé. Et voilà, là, après, c'est la jouissance, le plaisir de jouer, voilà. D'être avec les copains, d'être voilà. Sur une scène, d'avoir faire un public. Truc, voilà, et faire un truc ensemble, avec le public, avec tout le monde. Qu'il se passe l'histoire, que ça se passe là. Et après ça, en 87, 88 Alors, bah déjà, 80, 85, c'est Stoners. Oui, et puis Bachaud. Ouais. Rencontre Bachaud. Premier groupe de Stoners, premier groupe de rhythm and blues français. OK. Qui chantait en anglais. Anglais et français. OK. Compo en français. J'ai pu trouver une chanson, mais ouais. Le reste est difficile. Les albums, les CD, c'est pas trouvable. C'est, ça n'a jamais été réédité. OK. Alors, ouais. Si j'ai trouvé une chanson sur voilà. Internet, c'est un... Voilà, voilà. C'est un, si c'est un 45 tours qui m'a été donné, ouais, ouais, ouais. Un vinyle. OK. OK, alors c'est quand même c'est, de l'or. C'est pas évident à trouver, quoi. OK. Mais bon, ça existait, c'était... Ouais, pour moi, c'était une grosse aventure. Et tu le regrettes pas? Si on met la main là-dessus, on peut le diffuser? Ah, plutôt au contraire. OK. Je suis très fier de ce qu'on a fait. Je suis très, très fier, très fier. Parce que jamais il y a eu un groupe qui a fait la même chose après. On était le seul. Avant, il n'y avait pas de groupe de rhythm and blues. Depuis, il y en a pas mal. Alors, vous êtes les précurseurs. Ouais. Premier groupe du 9-3. Dans lieu, là. Ouais. Seine-Saint-Denis. Oh, premier, ouais. Premier groupe à sortir de Seine-Saint-Denis. Et incendie un peu la France, quand même. En tournée. Voilà. Premier groupe à avoir aussi bien... des rebeux, des feuches, des blancs, de tout mélangé. Alors vous étiez vraiment ouvert ouais. Sur tout. Ouais, ouais. Et, ouais. Et c'est là que tu as senti qu'il y avait quelque chose à faire avec... Ah bah là, c'était génial, quoi. On écoutait la même musique, on avait envie de faire les mêmes trucs. Et on est parti de rien. On répétait dans la cuisine du bassiste, à Saint-Ouen. Moi, j'avais mon ampli sur le frigo, toi. Okay. On a commencé de là, on faisait des tournées dans les Charentes. Puis un jour, je dis, non, putain, il y en a plein de cul, les Charentes. On s'exporte. Faut attaquer Paris. Puis là, je me suis démerdé, j'ai trouvé un truc un jour. Des mecs qui m'ont branché, qui étaient des potes à Aubert, et qui faisaient une maquette. Je dis, ouais, pas de problème, je vous file un coup d'arnaud. Et les mecs, ils faisaient, 10 jours après, ils faisaient un concert. Rose Bonbon qui venait d'ouvrir, qui était la boîte où il y avait tout branché. Ouais, le truc où ça jouait ouais. Grave. Ouais. Fallait être là, quoi. C'était l'époque. Ouais. Et putain, ce mec-là, il me dit, ouais, il m'appelle, ouais, tu peux nous filer un coup de main, nous on joue au Rose Bonbon, si tu peux être là pour filer un coup de main. Moi j'y attendais que ça, parce qu'avec les gueules qu'on avait, Stoners ne rentrait pas, quoi. Enfin, okay. Okay. On se faisait jeter, quoi, de tous ces trucs-là. Bon, on n'était pas du tout... Vous amenez un peu le fouillis, non? C'est de la musique qui... Non, c'est le côté soul, rhythm and blues. Okay, okay. Et le street G-Guys Band. Gros fan de G-Guys Band, gros fan de... Bon, de Mine de Ville, évidemment. Ouais. Tous ces trucs-là, toi. C'est ce qu'on écoutait vraiment, toi. C'est des trucs qui nous rapprochaient. Bon, ça et tout Stax, Motown, tout ce que tu vois. Et c'est ce genre de truc. Et c'est ce que le groupe voulait amener sur scène. Ouais. Et le public. Cet esprit-là. OK. Et on l'a fait. Et t'en es fier. Ah, tu m'en parles. Très fier. Très fier. Ouais. Parce qu'on a réussi, on a réussi à signer nous-mêmes, hein, sans se démerdant. On a réussi à signer chez Virgin, quand même, qui était le top label de l'époque. Ouais, ouais. Et on a fait partie des seules 4 signatures de groupe sur toute l'année en France, dans des vrais labels. Cette année-là, quand on a signé, Et dedans, il y avait les re-signatures de téléphone, re-signatures de trust, re-signatures de machin. Le seul vrai groupe qui a été signé cette année-là, c'est nous. Oh. Voilà, bon. Alors, c'était top. Ouais, c'était vachement bien. Bon, ça a été jugé politiquement incorrect. Donc, ça, c'est la France, là. À cause du message que... Bah, il n'y avait pas de message. Le message, c'était... C'était quoi? C'était la musique qui dérangeait? Ouais, c'est la joie de vivre, quoi. OK. Et ça dérangeait, la joie de vivre? Bah, ils ne comprenaient pas, toi. Ici, ils comprenaient pas, c'était pas un groupe qui était fait pour être géré. Dans l'eau de source. shows, beat any shows, beat me. Beat any shows, beat any shows, beat any shows, beat me. Sa taille, le bronze et l'or, le platine lui grave, d'un cercle froid, la marque des esclaves à chaque doigt. Big in his shows, big in his shows, big in his shows, big B. Big in his shows, big in his shows, big in his shows. C'est comme un calice à sa beauté. Elle ne porte rien d'autre qu'un peu d'essence de galère dans les cheveux. Big in his shows, big in his shows, big in his shows, big B. À chaque mouvement, on entendait les clochettes d'argent de ses poignets. Agitant ses grelots, elle avança et prononça ce mot. Maria. Big in his shows, big in his shows, big in his shows, baby. Big in his shows, big in his shows, big in his shows, baby. Big in his shows, big in his shows, big in his shows, baby. Comme le mentionnait Jim Morrison, Errance Rinaldienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. C'est vrai qu'il a dit ça? Ben c'est vrai, hier au soir. OK, qu'est-ce que c'était? C'était des tambours et des bombettes. Ah, mon Dieu! C'était pas le moment précis pour faire jouer les bombettes. Non, madame, vous le saviez. Ah, écoute, on me l'a appris, hein. À chaque fois que j'écoute Errance Rinaldienne, on me dit, c'est pas le cas de le faire. Ben oui, mais là. À quel moment sera-t-il le bon moment pour exécuter la chose? Ben là, ça dépend du metteur en scène. Y a-t-il un metteur en scène? Attendez, est-ce qu'on peut? OK. Y a-t-il? Merci. Y a-t-il? Ça, c'est le clou du spectacle. Aïe, donc. Aïe, aïe. Y a-t-il un metteur en scène? Non, il y a un metteur. Un metteur, bon. OK, il y a l'émetteur de CKRL. Ben, merci à l'émetteur. Est-ce qu'on peut le voir? Ben, parce que. Excuse-moi. Excuse-moi. Oui. Excuse-moi. Oui. Excuse-moi. Hey. Oui. Monsieur? Oui. Excusez-moi. OK. Oui. OK. Monsieur? Oui. OK. Ça va bien, madame? Ça va bien? Oui. OK. Alors, vous voulez voir l'émetteur, hein? Oui. Bon, mais je tiens à vous dire que, premièrement, merci de nous écouter. Oui. Vous aimez l'émission? Oui. C'est intéressant? Oui. OK. Êtes-vous branché sur 220, madame? Oui. OK. Aimez-vous ça? Oui. Au début, ça fait mal, hein? Oui. Mais après, on aime ça, hein? Aimez-vous ça? Oui. Bon, OK, non, mais attends, attends, attends, attends, attends. Rita, attends. Parce que là, tu coupes la ligne quand la madame dit oui. Mais je coupe pas la ligne, c'est elle qui se coupe. Est-ce que vous vous coupez, madame? Oui. OK, bon, ben, excusez-moi, Rita. Mais arrêtez. À chaque fois, c'est de ma faute. J'essaie de... OK, arrêtez, là. Excusez-moi, Rita. Ouais, je vais pas. On est en onde. Non, arrêtez. Hey, madame, vous êtes là? Oui. Attendez, est-ce qu'on entend madame Rita pleurer? Oui. Oh, saint, là, hey, on va... Ils vont appeler à DPJ. DPJ, ben oui. Alors, nous vous proposons maintenant... OK, oui, en parlant d'antenne, c'est KRL. Vous nous écoutez via la radio? Oui. Ben, j'espère, parce qu'il n'y a pas autre chose. C'est quoi? Non, non, non, mais vous... vous pouvez aussi télécharger l'émission. Ça, c'est plus compliqué pour vous, là. C'est pas votre génération de télécharger, là. Vous déchargez, mais pas télécharger. Elle comprend pas. Ils comprennent pas. Il y a personne qui compte. C'est hermétique. C'est une émission. On merci. Bon. Nous vous proposons maintenant l'actualité. Non, pas l'actualité, parce qu'on n'a rien. On l'a, mais on n'ose pas. On n'ose pas rire de ce qui s'est passé. Alors, cette semaine, et ça jusqu'à l'épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons et poursuivrons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le veau. Le veau. Y a-tu le veau? Ben, y a la vache. OK. Y a le cochonnet. Ah, le petit cochonnet. Attendez, on va parler au cochonnet. Cochonnet! Cochonnet, c'est comme la voix de la petite madame. Madame, vous connaissez les cochonnets, vous? Oui. C'est vous qui les faites? Oui. Avec du bois, est-ce que vous le gossez, le cochonnet? Oui. Ah, ouais, madame gosse le cochonnet. Ça, c'est un métier en voie de disparition, madame. Oui. Hey, elle écoute ses KRL en gossant le cochonnet. Ça, c'est... Attendez, là, je tiens à dire à tout le monde qui ne connaisse rien à la pétanque ou aux boules. Avez-vous les boules, madame? Oui. Ah, là, les boules. Bon, on aime ça. Non, mais c'est vrai que vous avez les boules, madame? Oui. Ah, c'est... Ah, là, les boules. Avez-vous le cochonnet aussi? Oui. Ben oui, allez, gosse. J'espère qu'elle... Ben non, non, tu parles d'une question. Ben oui, mais je ne savais pas. Moi, j'essaye de connaître. Hein. C'est moi l'intervieweur. On m'a placé dans le siège du journaliste. Et monsieur, vous êtes journaliste. Qu'est-ce que vous faites? Je journalisme. OK, vous journalisme qui? Ben là, la madame au cochonnet. Madame au cochonnet, vous êtes là? Oui. Vous gossez? Oh, elle gosse plus. Madame, vous avez coupé là. Ben, on n'a plus de frais. Bon, on n'a plus d'argent pour parler à madame. C'était où ça? C'était au Pôle Nord. Oh, à Yellow Life. À qui? À Yellow Life. À Yellow Life. Ah, c'est où ça, Yellow Life? C'est pas Yellow Life, c'est Yellow Knife. Oh, oh, OK, à Yellow Knife. Oh, c'est très froid, puis elle est francophone. Très peu de francophones à Yellow Knife. On a eu la chance de... Vous nous avez coupé, mais quand même, vous pouvez pas rappeler? On n'a plus de numéro. Ben, trouvez le numéro, vous l'avez ici. Regardez dans votre mail. Ah, c'est vrai. Composez, composez, composez. Alors, vous écoutez Rance Rénaldienne pendant que madame compose pour avoir le numéro de madame qui fabrique des cochonnets. Hein? D'une manière artisanale, en les gossant. Le mot de la francophonie, est-ce que vous avez suivi? Hey, je suis, je suis. Donc, je suis. Je suis, je suis. OK. Alors, proposé par Mme Montgolfière, celle qui s'envole à chaque courant d'air. Oh, hey, c'est bon, ça? Oui, c'est une publicité de Rénal Gagné. Hey, Mme Montgolfière, salut, que ça l'arrête? Vous êtes là, madame? Oui. OK, restez en ligne, on va faire la petite blague sur cutané, là, parce que c'est le mot qu'elle nous a proposé, Mme Montgolfière. Cutané. Ah, oh, je suis très, très, très, très, très tanné. Bon, OK, c'est fini. Alors, vous le gossez, madame? Oui. Vous les, pardon, au pluriel, les gossez. Oui. Hey. Hey, nous, là, on avait des maîtres draveurs, madame chose. Excusez-moi, madame chose. Puis, nos maîtres draveurs, là, je tiens à souligner qu'ils roulaient sur des pitounes. Puis vous gossez le cochonnet. Je ne sais pas si en 2012, on pourrait gosser le cochonnet en roulant sur des pitounes. Ce serait-tu assez pervers, ça, là? Ce serait du jamais vu, ce serait du jamais entendu, ce serait du jamais filmé, ce serait du documentaire expérimental et surtout mental. Mental, ben dans le sens de cérébral, là, à l'intérieur de, hein, pas à l'extérieur, tout ce qui se passe dans la, hein? Comprenez-vous? À peine, là. Est-ce que je suis branché à CKRL? Vous êtes à CKRL, le 89.1, la radio des découvertes. Non, c'est plus la découverte. La radio des champions! C'est vrai! C'est vrai, c'est plus de... ça a changé. Et c'est bien le changement. Puis madame qui fait les que vous faites des cochonnets depuis tellement longtemps que vous vous en souvenez même plus, c'est ce que vous avez dit à notre recherchiste qui se dit recherchiste, mais qui était avant tout... Vous faisiez quoi, madame? Mais moi, je nettoyais le plancher. OK, vous étiez dans l'entretien ménager. Très ménager. Très, très ménager. Ah, je me ménageais. Je faisais pas les poubelles. Oui. Je faisais pas les planchers. Ben, en fait, je les regardais. Oh! Je faisais pas les murs. Vous faisiez pas les murs. Je faisais pas la rue. Oh, OK, mais c'est bien ça. Vous êtes... Non, je suis multidirectionnel. Ah! Comme on les veut. On écrivait les chansons, mais on faisait pas des chansons engagées avec des textes à mon cul, juste des textes simples, normaux. Alors ici, tu fais un truc comme ça, c'est dans la variette pour Minette. Ok. Mais toi, ils ont pas le truc. Alors les mecs savaient pas s'ils allaient nous mettre dans la variette pour Minette. Ok. Ou dans les successeurs de téléphone. Ils ont jamais su. Alors c'était unique, donc on pouvait pas vous cataloguer. Ils nous ont foutu la merde, bon, le groupe a splitté parce que... Après combien d'années? 5 ans. Mais en 5 ans, c'était. En 5 ans, on s'est vécu l'aventure. C'était que du bonheur. On s'est prouvé qu'on pouvait le faire. Ok. Et entre temps, j'ai croisé Jean-Claude Bachoul, j'ai croisé Johnny Sanders, ouais, avec qui j'ai joué pendant 8 ans. On s'est fait le duo pendant 8 ans avec Johnny. Mais est-ce que c'est des groupes qui étaient mouvants, c'est-à-dire que tu pouvais être avec lui, avec un autre aussi, bien tu sûr. Te concentrais sur uniquement un groupe ou un chanteur? Oh ben moi j'étais un peu pas freelance, hein. Ok. Okay, ouvert à tout. Ouais. J'ai toujours joué avec les gens que j'aime, que je sens. Quoi. On en va au Québec. Hein? On en va au Québec de Benson and Edges. Oui. Ah ouais, c'est... c'est un peu bon vice. Il faut que j'arrête, faut que je me calme. Oui, mais c'est dur. Pour un artiste, c'est dur. Parce que la cigarette, c'est... Ben ouais, c'est l'oxygène comme ça vient. Ben ouais, c'est difficile. Oui, mais ben, Chung en est mort. Hein? Ouais. Ben lui, il n'arrêtait pas entre la tise et oh, tout oui, ça. Oui, oui, c'est oh, putain, j'ai jamais vu un mec boire autant et fumer autant de pétards dans la journée. Quoi. Ouais. J'ai halluciné, j'ai fait putain. Il se claquait avant. Ah ouais, il se mettait ça grave. Ouais, ouais. Gainsbourg mec, aussi, mec hein. Adorable, ouais. Ouais. Non, mais le pire que j'ai vu, c'est toute la bande de Johnny Saunders et compagnie. Quoi. Ok. Alors là... C'était là, incroyable. Ah là, tu veux le rock'n'roll, mon pote. C'est... C'était à l'état pur. C'est au cœur du rock'n'roll. Et moi, je l'ai vécu pendant des années. Et pour toi, c'est pour toi la représentation du rock'n'roll? Ouais. Okay. Ouais. Pour moi, j'étais un fan de Johnny. Quoi. J'étais un fan des Heartbreakers. Et c'est le groupe dans lequel je me retrouvais absolument. Quoi. Heartbreakers. Même aujourd'hui, quelque part, Heartbreakers. J'ai fini par jouer avec les Heartbreakers quand même. OK, oui. Et c'est, voilà. C'est pour j'ai toi joué avec fort. Johnny. J'ai joué avec Johnny, avec Billy Rath, Jerry Nolan. C'est merveilleux. Attends, c'est des gens magnifiques. Sur la même scène. C'est des gens magnifiques, on est devenus amis. Quoi. Après, il m'a présenté Steve Bator, avec qui on a fait quelques trucs. On a commencé à bosser sur justement le dernier projet de Steve. Ouais. Ce qu'il était en train de monter avant de mourir. Quoi. Voilà. Et moi, j'étais dans le coup. C'est lui qui m'avait demandé de jouer avec eux. Alors, c'est quand même difficile de voir un projet avorté pour... Ouais, pour une connerie, mais bon, ça, c'est le destin. La vie nous réserve des choses, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais ça, c'est un truc que je regrette de ne pas avoir abouti, ça. Mais... C'est, voilà. C'est ouais. Le seul truc que je regrette de ne pas avoir pu continuer, parce que ça aurait été fandard. Et vous étiez vraiment... Ah ouais, ouais, ça le faisait, là. Ça fonctionnait bien. Ouais, ça fonctionnait. Bon, le seul qui a foutu un peu la merde, c'est Didier Ramon. Okay. Ah oui, OK. Oh, putain. Pourquoi? Parce que c'est... Il était trop défoncé. Encore à cette époque-là. C'est quoi ces dernières années C'est 89. OK, encore en 89. Oh là là là là là là. Alors, il pouvait plus juger, il pouvait je t'ai vu arriver dans un état, le pépère, toi. Genre, t'entends, tu sais que tu l'attends, toi. Bon, tu sais qu'il arrive, bon. Tu restes à la porte pour chauffer de... Pour qu'il y ait de casse-couille qui rentre, toi. Ça, pour être un peu tranquille, ce JJ. T'entends frapper, tu ouvres la porte, tu vois être Charles Manson. Toi. Tu fais, ah ouais. Et Didier Ramos, c'était fait la tronche chez Charles Manson, avec la barbe, tout. Tu fais. À la Jim Morrison à la fin de sa vie. Ouais, tu vois, vraiment à la Charles Manson. Ah ouais, ouais, vraiment, okay, okay. Vraiment la tronche de Charles Manson avec le regard et tout. Tu fais. Ah ouais. Complètement fini. Oh là, tu dis. Ah ouais, la soirée okay, commence bien. Là. Ah ouais, ça va être chaud ce soir. Là. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Et là, quoi, il devait faire un spectacle. Ouais, ouais, puis ça s'est engueulé. Puis, ils ont fini mais... par se battre avec Johnny. Thank you. Alors, c'était Mireille, enlève tes chaînes. Regarde, t'es-tu certaine? Je suis très certaine, c'est Mylène, enlève tes chaînes. Enlève-les. Elle veut pas. Elle est trop coquette. Oh mon Dieu, on aime ça, les coquettes. L'errance rénaldienne, complice de vos délires auditifs. Est-ce qu'on peut vérifier si... Oui, c'est du tam-tam. Raymond, c'est du tam-tam? Selon moi, c'est du pam-pam. Oh mon Dieu! Quelle est la différence entre le tam-tam et le pam-pam? Question assez facile pour un grand érudit de musicologie comme Didier Lemieux. Didier Lemieux? Oui. Vous êtes... Je suis. Alors? Ben, faites jouer. Alors, on fait jouer. Pouvez-vous vous rapprocher du micro? Je me rapproche. Oui, rapprochez-vous. Allô? Je me rapproche. OK, vous êtes proche. Merci de taper. Merci. Je la tape. Oui, arrêtez de taper. Oui, je suis. Arrêtez de taper. OK, d'accord, on cesse. Cessez. Je baisse les mains. OK. Vous êtes musicologue. Je suis musicologue. Plus cologue ou musique? Plus musique que cologue. Quoique, comme me disait mon psychologue, je suis plus mumu que coco. OK. Parce que les cocos n'ont jamais longue vie. OK, on y va. Un petit message. Allez, vous êtes musicologue? Oui, toujours mimu. OK. Êtes-vous le log? Je suis mimu. OK, allez-y. Selon moi, c'est du tam-tam synthétique. Oh! Du tam-tam synthétique. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, vous, là? Parce que le tam-tam est sur une peau de bison prairie. Oui. De quoi? De bison prairie. Bison prairie. Êtes-vous certain que c'est pas... Bison de prairie? Non, bison prairie, c'est un bison couché sur la surface du bois, oui, et étiré par la prairie. La prairie, ben oui, la chaleur de la prairie, alors on dirait étiré par la prairie, c'est une image. Là. Vous êtes dans le monde de la création, là. Oubliez tous les stratagèmes cartésiens. OK, ben, je ne suis pas cartésien, moi. Vous êtes qui? Je suis gagné. Oh, vous n'êtes pas cartésien, vous êtes gagné. Ah, ben bravo. Alors, vous sentez, là? Ben, attendez, on va voir si je sens, là. Ben, moi, je sens poum, poum, poum, poum. Oui, mais à travers le poum, poum, poum. Ben, à travers le poum, poum, poum. À travers le poum, poum, poum, là, il y a poum, poum, poum, poum, poum. Oh, mon Dieu, vous êtes dans... Je suis dans. Êtes-vous dedans? Dans le poupoum? Pas vraiment, là, parce que sinon, ça résonnerait dans ma tête. Est-ce que ça vous résonne? Non, ça me résonne pas vraiment. Ça m'en prend plus pour résonner. Mais merci de... De rien, OK. L'errance rénaldienne, complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Le moment s'invite à nous. Est-ce que c'est le temps, hein? Oh. Qu'est-ce qui se passe? Je suis dans une autre zone. Arrête-moi ça. Le moment s'invite à nous pour un élan rénaldien. On va le changer. Non, on laisse, là, OK. Pour un élan rénaldien, qu'est-ce que tu dis là? Ben, c'est pour le technicien. Oh, mon Dieu. On l'a, le technicien. Ouais, mais c'est un apprenti. Oh. On lui laisse une chance. Comme tous les apprentis. Le moment s'invite à nous parce qu'il a une chance d'exister. On lui laisse une chance d'exister. Et qui? Il s'envole. Le moment s'invite à nous pour un élan rénaldien. Une consonance de l'esprit nous amènera, nous dirigera vers des sillons créatifs. Allons séchoir vers les couloirs de l'improvisation. Pourquoi vous riez? Ça fait naturel. C'est vrai, ça fait naturel. Essayez encore. C'est très, très, très, très, très, très naturel. OK. Alors donc, avec Sophie Lariane, il y a bien des feuilles, il y a trop de feuilles. Ben oui, mais c'est moi qui les étale avec ma main. Arrête d'étaler. OK. Alors, moi, je m'étale, là, vas-y, comme la pétale. Alors donc, c'est pas ça, là, la phrase, là, l'atelier d'improvisation qui s'appelle « Improvisation libre ». La phrase qui allumera le tout, oh, qui embrasera l'imaginaire de l'improvisateur, qui est qui? Non, je dis pas qui est qui, mais qui va improviser? Ben, c'est toujours le même. Oh, mon Dieu. On n'a pas le choix? Oui, on a le choix. C'est lui ou lui. OK. Alors, j'ai... Okay. Il y a comme menu lui ou lui. Alors, je vais prendre « et ». Alors, OK. Alors, c'est le « et » qui improvisera. Comment ça va, « et » Attends un peu. Comment ça va, « et » OK. « et » Vous êtes hésitant, mon cher « et ». OK. Mais est-ce que vous voulez vous lancer maintenant? Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt? Bon. On va s'imaginer que oui. On va se donner une chance. Puis, on le lance. Voulez-vous vous lancer? OK. Le « et » se lance. Allez, le « et ». OK. La phrase, c'est... C'est du jamais vu, ça, là. Ça me gêne un peu. Continue. On a toujours continué. Donc. Lorsqu'on place l'émission du début jusqu'à la fin, là, on met le pied sur la pédale d'accélération. Comment? Dès que ça ralentit, on presse encore puis ça va plus vite. Oh! Alors, c'est le pied de vitesse. Le pied de vitesse. On laisse ça sur le pied. On laisse ça sur le dos. Le dos du pied. Ah, mon Dieu. Alors, les voir donnent à fuir. Alors, allez-y, le hé. OK. Il est vraiment... C'est un gars qui va nous amener très loin. N'est-ce pas, monsieur E? OK. Alors, allez-y. Les voir donnent à fuir. Est-ce que vous me laissez la place? OK, je le savais. Il peut pas y figer. Devant un micro, tout le monde est figé. On sait pas, là. Qu'est-ce que c'est? C'est en métal? C'est en plastique? Non, c'est du métal. On a le budget, c'est du vrai métal, c'est des lames de métal, c'est une structure métallique, c'est un environnement tout à fait humaniste où vous pouvez en verser une maintenant, mais attendez, parce qu'il reste 40, non, il reste 12 minutes, on n'a pas le temps! Oh là là, oh là là. Les voir donnent à fuir, puisque la laideur n'attire que les personnes qui cherchent des vibrations beaucoup plus jouissives que les autres. Après l'effet d'hiver, après l'effet d'été et l'automne, que de feuilles résonnent sous le palier de l'église. Et monsieur, si peu de citoyens, après la sortie de la messe, foulent la feuille et sèchent le temps. Jour après jour, nuit après nuit, on se souvient qu'un jour il y a eu. Et maintenant, le silence nous amène à la réflexion, comme à chaque instant, le jour renaît, le jour reprend, le jour revit, vit. Après vie, nous sommes libres entre le temps. Nous ne faisons. Ça arrive. Oui, ça sent la fin. Hein? Ça sent la fin. Nous faisons qu'un mouvement fantomatique dans la structure de l'existence. Je comprends rien. C'est normal. C'est normal. Car le parlant... Qui? Le parlant normal. Qui? Le parlant... Excuse-moi, le dentier me colle vers le plafond. Le plafond, on appelle ça le palais, là, mais nous, dans le milieu, c'est le plafond. Si vous êtes des comédiens, des comédiennes, si vous êtes des artistes et des artisans, si vous êtes des créateurs et des créateurs... Haïssez pas toutes les structures qui nous amènent vers les mots, s'il vous plaît. Laissez-leur une place pour se mouver. Oh, OK. Car là où il y a l'espace, il y a l'oxygène de poursuivre un moment de bonheur entre vous et nous, entre nous et moi. Entre nous et moi? Nous, entre vous et nous, entre nous et moi. C'est quoi le texte? Donc? Hey, Rachel, est-ce que tu peux reprendre ça? Là? Parce que entre nous et vous, entre nous et moi, ça n'a aucune... Hey, c'est pas grave. Pourquoi? Le public pleure. Là. Ça t'entend plus. Ça pleure à gros bouillons. Oh, des bouillons? Baisse le feu! Hey, avant de baisser le feu, mon beau Gaétan, arrête la pitoune. Oui. avant de baisser le feu, oui. Monte donc le volume. Mais on ne peut pas, ça va faire de la distorsion. OK. Avant que ça nous arrive, là, on aimerait vous dire, madame, mademoiselle, messieurs, qu'on vous remercie infiniment d'avoir écouté Errance Rénaldienne. Vous pouvez nous écrire à Rénal Québec, RENALDQUEBEC, à commercial@hotmail.com. Vous pouvez nous rencontrer sur Facebook. On a une page Facebook Errance Rénaldienne. On a tout pour vous satisfaire. Vous pouvez nous tweeter. Nous sommes tweet, comme n'importe quel tweet. Et restez heureux, surtout. Restez pas trop heureux, mais juste assez. Puis, laissez-vous pas salir par les informations et la tristesse de notre société. Et on se retrouve peut-être la semaine prochaine, 2012, janvier 2012. Hey, troisième semaine de janvier 2012. Qu'est-ce qui nous arrive? Il nous arrive quoi? Du bonheur, que du bonheur à Errance Rénaldienne. Est-ce qu'on peut applaudir? Après l'émission? Ben oui, mais les gens ne sont plus là. Mais c'est pas grave, ils sont là dans leur tête et dans leur cœur. Hey, c'est qui animait ça? Ah, oh, c'est rien. C'est un rien tout nu bordé en bleu. Ah, mon Dieu, c'est laid. Déjà pratiqué, donc vous saviez un peu à quoi vous en tenir, mais lui, il était quand même... Il était trop barré. Il était parti là-dedans. T'as. C'est Johnny qui a commencé à l'engueuler en disant « Putain, t'es trop défoncé, tu fais chier, quoi. » Mais c'est un métier qui ressemble un peu à ça, hein, aussi. Le rock'n'roll, c'est la défense. Ouais, mais si t'enlèves un peu le côté défense... C'est la musique. Ouais, si tu fais passer le rock avant... Ouais. Là, ça devient balèze. Ouais, mais Cut Richard en a fait un livre, My Life. As-tu lu? Non, je ne l'ai pas encore lu. Non, mais on t'en a parlé sans doute. Ah oui, mais attends, c'est qui ça? Oui, voilà, c'est ça. Ouais, mais lui, il a les moyens, il a le droit. Putain, il a fait tout ce que. Putain, il a réalisé tout ce qu'un mec peut avoir envie de réaliser en faisant du rock. Chapeau. Et toi, est-ce que tu te considères comme un artisan encore aujourd'hui en 2011? Est-ce que tu dois encore bûcher? Est-ce que tu dois travailler fort? Ou si des contrats arrivent, les gens viennent à toi, « Ah, regarde, j'ai quelque chose, un projet, veux-tu te joindre à nous? » Est-ce que c'est difficile encore en 2011? Ah oui, mais je travaille. J'aime travailler. Oui, tu aimes travailler, mais est-ce que un dur labeur ou au contraire, c'est des gens qui t'arrivent avec des projets ou tu dois encore frapper aux portes? Ah non, c'est des gens qui arrivent avec des projets. OK, alors tu frappes plus aux portes. Non, moi je vais pas pleurer. Hein. OK. Non, mais, voilà. Mais sans pleurer, tu dis, garde, je suis là. Ouais. Quand je suis quelque part, je l'envoie tellement fort, faut que ça sache. Ah oui, le monde entier le sache. Ah oui, voilà, ben ça s'est rendu à Québec, donc c'est comme la ça preuve. Que ça se passe. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Puis aujourd'hui, parce que Little Bob, était dans les années 80. Tu étais avec ce groupe-là dans les années fin 80, c'est ça? Voilà. Et encore aujourd'hui. Alors ben, donc ça s'est arrêté. Oui, mais ça s'est arrêté. Voilà, parce qu'il y a eu des problèmes. Oui. C'est pas les miens. Mais il a changé plusieurs fois de nom en gardant Little Bob. Ouais, bah oui, c'est son nom. Et là, aujourd'hui, c'est quoi? C'est Little Bob Story? Là, ça redevient Little Bob Story, le groupe traditionnel. OK, oui. Et le nouveau groupe, c'est Little Bob Blues Bastards. Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà, mais là, actuellement, c'est le groupe que vous aviez lancé, ben pas lancé, mais avec lequel tu étais en 89, c'est ça? Non, ça, c'était Little Bob Story, c'est le groupe traditionnel. OK. Avec l'ancien, avec l'autre batteur. OK, oui. Avec Nico, oui. À la batterie. Oui. Avec mon gars, c'était un ancien bassiste, on avait plusieurs. Alors, vous avez recréé un autre band, un autre groupe. Ouais, Bob, il avait envie de faire autre chose. Il m'a appelé, quoi. Mais est-ce que vous reprenez du vieux matériel aussi? Ouais, petit à petit, au début, ouais. Au début, on fait des reprises de Little Bob. Ben oui, pour vous. Puis des reprises de standards de blues, un peu. Ouais, OK. Qu'on réarrange total. Quoi. OK. Mais bon, on prend des trucs un peu genre Captain Beefheart. Genre... C'est un spectacle de 2 heures? 2 heures, 90 minutes? Non, on y va doucement, quoi. OK, mais c'est toujours le même public, c'est un public, puis des nouveaux, ben, des jeunes. Le public change. Mais le justement père... avec ça, le public change avec ce groupe-là. OK. Le public, il rajeunit. Okay. Ah oui? Eh ouais. Ah, mais c'est... Et ça fait plaisir, quoi. Ben oui. Parce que t'envoies un truc qui est plus soul, quoi. C'est moins rock. C'est plus les racines de la musique, là. Voilà. Là, c'est plus dans l'esprit soul, ouais, et plus émotif. Beaucoup de d'instrumentation, beaucoup de lancers instrumentales. Ben, ouais, des plages ah oui, ensemble, c'est ça, toi, oui, des trucs un peu... Des grands espaces. Ouais, voilà, ouais. Peu de notes, mais trucs, des belles harmonies, des trucs comme ça, beaucoup d'émotions, plein de... Mais ça, écoute, je suis un fan, OK, j'écoute régulièrement, et j'adore quand je me promène dans les rues, et que vous jouez, on dirait que c'est une musique extérieure. Avec le vent, tout ça, c'est fait pour l'extérieur. Et voilà, un show. C'est la musique, elle est là. Elle est c'est pas fait pour être enfermé quelque part. Watch out! The streets are lighting, it'll down sound.